86. Je sais pas ce que je fous ici, je dis l'aide la coque. Avec l'aide de quelques potes, on piquait des chars, parfois même des chars d'assaut. J'ai tué Ricardo, je lui ai pris sa planque, c'est à moi, mais c'est pas fini. Y'a deux gangs qui m'en veulent, pourtant je les ai aidés l'un comme l'autre. GTA, down. You're sitting on some white gold. Look, Sonny, we were set up. The deal was an ambush. Harry and Lee were dead. You better be kidding me, Tommy. Tell me you still got the money. No, Sonny. I don't have the money. That was my money, Tommy. My money! Tony Vercetti, le plus grand mafieux de Vice City, en chemise hawaïenne. Je parcours la plage et les bidonvilles, je suis le roi de la ville et j'ai pas peur des flics. GTA, GTA, Vice.